vous qui avez vécu à l'ombre du Vatican. Oui. Vous êtes chrétienne, vous êtes catholique. Ah, ah oui, catholique traditionnaliste. Pour moi, le pape est le pape. Ce que le pape dit, je m'incline. Il est le représentant, il est élu par le Christ. Il doit être capable de recevoir le Saint-Esprit sur sa terre. Il doit être capable de recevoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de juger. Comme une ville dans la ville, un minuscule état niché dans la cité romaine, tapis bien à l'abri derrière des murailles rouges, aujourd'hui, dans l'ombre du Vatican, premier jour, mais que fait le pape ? Habemus Papa ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais vous pouvez vous contenter d'une simple bénédiction, ou bien alors, vous pouvez vous adresser aux fidèles par un discours. Bien, chers frères et sœurs. Miserando, atque eligendo. Ayant pitié de lui, il le choisit. Réforme de la curie, retour de la diplomatie, le pape François ou le paradoxe de la révolution dans la continuité. Le pape, c'est aussi celui qui promeut cette réforme de l'Église, mais une réforme qui continue depuis maintenant 21 siècles. Réformer, cela vient du mot latin « forma », et la « forma », c'est le moule. Aussi bien le moule dans lequel on fond du bronze qu'aujourd'hui nos mères de famille font un gâteau dans un moule. Eh bien, réformer, c'est remettre dans le moule de l'origine. Usine à fantasmes, forteresse imprenable, le Vatican abrite le pape, à moins qu'il ne le retienne prisonnier. C'est peut-être pour ça que François, premier pontife argentin, a installé ses quartiers dans la résidence Sainte-Marthe, là où logent les visiteurs de passage. Il a déserté les riches appartements pontificaux, leurs cerbères, leurs pavements, leurs ors et leurs interrupteurs frappés aux armes pontificales. Désormais, le pape mange à la cantine et on dit qu'il veut faire une révolution. Révolution à la curie, financière, culturelle et diplomatique. Mais quelle révolution dans un état d'ancien régime où la valeur centrale est la tradition ? Quelle marge de manœuvre pour une révolution dans ce labyrinthe administratif ? Ou pour interviewer quelqu'un, il faut pour commencer envoyer une demande écrite, bien argumentée, au service des communications sociales. Puis passer entre les chaleureuses mais pressantes questions de Greg Burke, ancien journaliste de Fox News, membre de l'Opus Dei et responsable de la communication du Saint-Siège, qui délivrera, après une énième lecture des motifs de la demande, des autorisations signées, tamponnées, datées. Autorisations dont il faudra se munir pour espérer, le jour dit, franchir les grilles et après un circuit labyrinthique de gardes suisses en poste de gendarmerie, enfin visiter les appartements pontificaux, désormais réservés aux seules cérémonies officielles. Dedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Buongiorno. Giorno Eminenza. Buongiorno. Interview oui. Radiophonique. On n'a pas de caméra. C'est mieux. Ça restera voilà. Les secrets du Vatican. Alors, nous sommes ici au centre du Vatican. C'est la cour de San Damaso. C'est la cour officielle où les délégations officielles, les chefs d'État, etc., sont reçus par les préfets de la maison pontificale et par les gentilhommes de sa sainteté. Monseigneur Stefano Sanchirico. Cette partie du palais, c'est la partie plus ancienne du palais apostolique. Et c'est la partie de la fin du Moyen-Âge, au retour des papes d'Avignon. Alors nous pouvons monter au deuxième étage, à la seconde loggia, qui est l'appartement public du pape, où le pape à la réception des chefs d'État, des délégations officielles, des dignitaires. S'il vous plaît. Je vous donne des petits livrets pour connaître un peu mieux le protocole de la Maison Pontificale. Possiamo salire? L'ascenseur est caché derrière une porte en bois. Andiamo, seguiamo. Sì, lascio lì, grazie, Guglielmo. Seconda loggia, la deuxième loge, la loggia di Raffaello, qui est dans cette. Buongiorno. Nous allons aller vers l'appartement public du Saint-Père. Et vous pouvez garder un peu la vue de Rome. Oui, c'est magnifique, on voit tous les coupoles des églises. Vous avez là-bas les Campidoglio. Et des coupoles de la ville, et au fond, les castelli romani, les châteaux romains. Là-bas, c'est Castel Gandolfo, etc. Et on voit la les pins parasols. La résidence estivale, oui. Vous voyez l'arme là-bas. Chaque pape a son propre blason qui peut être de famille, la plupart qui des papes qui viennent de familles nobles. Les armes du pape François sont en champ bleu avec les symboles de la compagnie des jésuites. Et le mot du pape est miserando atque eligendo en latin, c'est-à-dire pitié pour moi et m'a choisi. Donc là, on marche sur un pavement de marbre, marbre multicolore. Oui. S'il vous plaît. C'est la grande salle qui est la première de l'appartement pontifical et c'est la salle clémentaine. Donc on voit là aussi, c'est une grande salle recouverte de fresques. De fresques pour les réceptions et pour la présentation des vœux du Collège des Cardinaux. Et ici, vous voyez le baptême de Constantin, qui est un peu la fondation publique de l'Église romaine. Et toujours les clés de Saint-Pierre sous la tiare du pape. Et c'est toujours. Bonjour. Nous sommes dans la salle du consistoire. Cette salle est utilisée pour la réunion des cardinaux. Vous trouvez les histoires de chrétiennes, la présentation de Jésus au temple. Donc des tapisseries. Si, des tapisseries. Mais cette salle, avant d'être la salle du consistoire, a été le réfectoire pour les repas des cardinaux. Est-ce que c'est dans cette salle que le pape Benoît XVI a annoncé sa renonciation? Oui, c'était la salle du consistoire où le pape Benoît a annoncé la renonciation au pontificat. Ad conditionem certam pervenit, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esset monus patrinum eque administrandum. Le pape était en réunion ce matin au Vatican avec ses cardinaux pour évoquer la canonisation de martyrs tués au XVe siècle. En début de séance, Benoît XVI prend la parole. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. Quelques instants plus tard, Benoît XVI bénit l'assemblée. Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dans son discours, le pape a précisé qu'il démissionnera le 28 février prochain, 20h. Place Saint-Pierre, les pèlerins ne sont pas encore au courant. Alors voilà, le pape vient de démissionner. Oui, mais j'ai cru comprendre tout à l'heure, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. On est sidérés, on se demande. ne démissionne pas, le pape. Il reste où il est malade, où il a un problème, mais bon, il reste à sa place, quoi. Vous avez aussi assisté, cardinal Poupart, à la renonciation de Benoît XVI. Ça, c'était alors, je vais vous dire, donc, nous sommes allés au Vatican, devisant, comme à l'ordinaire, nous sommes arrivés, et vous savez que le consistoire, c'est donc la réunion des cardinaux avec le Saint-Père, qui nous avait convoqués, donc, pour demander notre appréciation sur l'éventualité de 3 canonisations, c'est-à-dire le passage de bienheureux à saint. Alors, bon, je sais bien, nous avons pris notre place, chacun. Comme vous savez, c'est un acte liturgique dont nous avons récité ensemble l'heure du bréviaire. Après que le pape donc soit arrivé, le pape Benoît, de son pas lent et paisible, nous étions habitués, si je puis dire, en particulier depuis l'été, depuis le retour des vacances, à le voir ainsi fragile, j'allais dire, sans penser davantage. Et puis, quand ça a été terminé, enfin, que nous croyions que c'était terminé, comme je suis plutôt rapide dans mes réactions, je me lève, cérémonie pontificale me signe de rasseoir. Bon, dans un silence évidemment fort, nous avons entendu donc le pape Benoît nous lire un texte extrêmement bref, en parfait latin. Je ne suis pas très latiniste, mais quand j'ai entendu « in grave scientem et tatem », j'ai même dit « mon Dieu », j'ai compris tout de suite avant même qu'il... voilà. Et comme nous sommes disposés de cette manière, le pape étant là et nous formant une sorte de... d'arc de cercle. Voilà. Je pouvais lire sur le visage de mes confrères cardinaux qui me faisaient vie mes propres sentiments. Donc, surprise, stupeur, émotion. Voilà. Et puis, notre pape démissionnaire est parti et il a comme glissé, je vais dire. Du coup, donc, il n'était plus là, on s'est retrouvé. Du coup, plus personne ne voulait partir. Et nous sommes retrouvés donc à 2, à 3, à 4, à 5. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Voilà, bien. Bon. Que d'émotions. Santé Lia. Voici l'archevêque de Palerme, Saverio Cincotta, dont c'est le troisième conclave. Le cardinal Masao Takada, archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine. Nous nous approchons maintenant du cardinal Masucci pour recueillir son témoignage. Nous feriez-vous, cardinal, une petite déclaration? Il est bien évident que personne ne répondra à aucune de nos questions. Cardinal Poupart, bien sûr, on sait qu'on ne peut pas raconter du tout ce qui s'est passé lors du conclave, mais peut-être pouvez-nous dire ce que ça a comme importance pour un cardinal de participer à un conclave. Est-ce que ça procure comme sensation, comme sentiment? Vous pouvez imaginer que c'est un temps fort et même extrêmement fort, parce que nous entrons en conclave, donc les cardinaux, en partant de l'intérieur du Vatican, la chapelle Pauline, traverse la salle royale jusqu'à la chapelle Sixtine, puis chacun de nous trouve sa place. Et après toutes les vérifications extrêmement précises, les cérémoniaux pontificaux entendent l'injonction fatidique « exeant omnes ». Ça veut dire que tout le monde sorte, ce qui veut dire que nous nous retrouvons donc uniquement entre cardinaux, et bien sûr avec le Saint-Esprit. Donc le conclave se déroule, et donc chacun d'entre nous va remettre son bulletin de vote sous le regard du jugement dernier de Michel-Ange, donc, et chacun de nous a bien conscience que nous serons jugés sur nos actes, et en particulier sur celui-là. Je me souviens... La procession s'est mise en branle, le chant du Veni Créateur, Veni Esprit Saint. tout de suite après le vote, le dépouillement se fait avec un luxe de précaution tout à fait remarquable, puisqu'il y a 3 scrutateurs, comme on les appelle, qui ont été tirés au sort. Alors, le premier fait sortir, donc le premier bulletin de l'urne, le regarde, et le passe au suivant. Et le suivant le regarde, et dit le nom qui est, et puis le troisième, et puis on coche, bien. Quand l'élection a été acquise, avant même de poursuivre jusqu'au bout le dépouillement, nous avons applaudi. Voilà. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Nous parlions de la joie tout à l'heure, Père Metzinger. Elle manifeste cette joie et elle va sans doute grandir encore, puisque il y a du mouvement derrière les rideaux. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Derrière le Panthéon, à Rome, dans la rue Santa Chiara, il y a une petite boutique qui ne paye pas de mine. Coincée derrière un kiosque à journaux, dans l'ombre d'un virage, elle veille depuis 1790. L'enseigne Gamarelli est un tailleur traditionnel, tenu de père en fils par des hommes en costume 3 pièces. Ici, les petites mains tissent, coupent, taillent et fournissent le pape et les hommes du Vatican en mitres, gants, barrettes, étoles et soutanes. Mais ce qui fait courir les dandys, ce sont leurs chaussettes rouges, en fil d'Écosse, ou violettes, en pure laine. Ici, pour 20 euros, on ressort avec des pieds d'archevêque ou de cardinal. Chirotheque, che vuol dire? In greco vuol dire il contenitore per la mano. Ah, il chirotheque. Alors, Lorenzo Gamarelli, on est donc à l'extérieur de votre boutique, devant la vitrine. Peut-être vous pourriez nous décrire ce qu'il y a dans cette vitrine, parce qu'il y a des moments dans l'année où il y a les 3 soutanes qui sont destinées au futur pape. Les 3 soutanes, ci sono solamente. Les 3 soutanes sont exposées dans la vitrine seulement au moment des conclaves. Questa è una vetrina normale per noi. C'è una casula. Ça c'est une vitrine de temps normal, disons pour eux. Il y a donc une chasuble. Una mitre. Une mitre. Vari oggetti, come possono essere. Il y a plusieurs accessoires, hein, donc une barrette, des chaussettes, des cordons, des croix, des gants. Ci sono i gemelli con lo stemma di Giovanni Paolo II. Tu vois, ça, c'est les boutons de manchette avec justement le blason de Jean-Paul II. Tu vois, ce du milieu avec le M de Marie. On est rentré dans cette boutique avec donc un long comptoir de bois avec des tiroirs. Et puis derrière ce comptoir, il y a donc des étagères avec des galons verts, bleus, des galons violets, des galons d'or beaucoup. Et puis aussi des tiroirs dans lesquels doivent se trouver des gants ou des petits chapeaux, des barrettes. Et puis il y a aussi des rouleaux de tissu. Et puis tout en haut, des costumes de clergyman et puis des soutanes sur les étagères. Lorenzo Gamarelli, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être, parce que vous êtes connu justement pour préparer les tenues du pape au moment de son élection, nous dire comment ça se passe traditionnellement ce moment-là? Solitamente, poco dopo la morte del Santo Padre o nell'ultimo caso dopo le dimissioni del Santo Padre, riceviamo l'incarico dal Vaticano di preparare d'ordinaire, donc ils reçoivent la commande, si tu veux, du Vatican juste après ou la mort du dernier Saint-Père ou dans ce cas-là la démission du dernier, et donc ils commencent à préparer déjà trois habits, un petit, un moyen et un grand, et ils les exposent quelque temps dans leur vitrine, et au début du conclave les trois vêtements sont livrés au Vatican. Il bianco è ormai parecchi secoli. Alors le blanc pour le Saint-Père, ça c'est évidemment la couleur de la pureté. C'est déjà la couleur du Saint-Père depuis pas mal de siècles. In origine il Papa. À l'origine, le Pape avait repris l'habit le plus noble des Romains de l'Antiquité, c'est-à-dire la couleur pourpre. Dopodiché non si sa esattamente a partire da quale papa ci fu. En revanche, à un certain moment, il y a eu un pape dominicain, on ne sait pas bien qui, mais qui a décidé de s'habiller donc effectivement en blanc, et à partir de ce moment-là, tous les papes ont été habillés de blanc. Ancora fino a oggi il papa porta. Mais encore aujourd'hui, traditionnellement, le pape porte encore quelques petites choses rouges. Alors la calotte? Non. Non, la barrette, pardon. Non, la mozette. La mozette. La mozette, voilà, le camail, hein, des fois, il est rouge. Et aussi les chaussures. Et est-ce que vous avez le trac au moment des conclaves, au moment où le pape va apparaître sur le balcon de Saint-Pierre avec les vêtements que vous avez préparés? Naturalmente sì. Ogni volta è un'incognita perché. Bien sûr, à chaque fois ils sont très inquiets parce que évidemment ils n'ont aucune idée de qui va être élu. Donc ils font trois vêtements, mais évidemment ils savent pas si ça va bien lui aller. Donc oui, ils sont morts de trouille à chaque fois. Oui, et c'est arrivé qu'il y ait des choses qui n'allaient pas tout à fait. In realtà è accaduto. Alors en fait, c'est arrivé pratiquement une seule fois seulement dans le cas de Jean 23. Però non è stata colpa nostra. Mais alors il dit c'est pas de leur faute. È successo che quando è stato eletto. Alors c'est pas de leur faute effectivement, parce que quand Jean 23 donc a été élu, il y avait trois vêtements, un petit, un moyen et un grand. Et malencontreusement, le vêtement qui a été donné au pape était le moyen, qui n'allait pas, évidemment, il aurait fallu le grand. Et donc le pape s'est senti serré et à l'étroit. Et donc il a dit, et voilà, ça commence mal, puisque déjà je me sens entravé. Fratelli e sorelle, buonasera. Bonsoir. Je vous remercie de votre accueil. Al suo vescovo, grazie. La communauté diocésaine de Rome a désormais son évêque. Merci beaucoup. Vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito Benedetto XVI. Faire une prière pour notre évêque émérite, Benoît XVI. Que le Seigneur le bénisse et que la Vierge Marie le conserve. Ensemble, disons le Notre Père. Il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quand on tape dans un moteur de recherche, élection, pape François, on tombe sur cette vidéo du 13 mars 2013 où l'on voit Jean-Louis Torrent, cardinal protodiacre, fragile petite silhouette rouge, s'avancer, ému, sur le balcon de Saint-Pierre. Là, il prononce à la nuit tombée, dans un micro qu'on lui tend maladroitement, d'une voix tremblante, la formule magique latine. Je vous annonce une grande joie. Nous avons un pape. Le très éminent et très révérend Seigneur Jorge Mario Cardinal de la Sainte Église romaine, Bergoglio, qui s'est donné le nom de François. J'ai quitté la chapelle Sixtine et je marchais jusqu'à la loggia. Et je pensais, comment vont réagir les fidèles qui sont sur la place? C'était tellement grande la surprise. Pour nous aussi, c'est une grande surprise. Et puis quand je suis arrivé, donc j'ai donné le Habemus Papam, et quand le pape est arrivé, on a senti comme un fluide qui passait entre lui et la foule. À partir de ce moment-là, tout de suite, il a été adopté. C'était presque physique. Et il a eu cette bonsoir, des choses très simples, mais qui touchent le cœur des gens. Donc j'étais ici au bureau, puis je suis allé sur la place Saint-Pierre. Père Laurent Mazas. Et puis, 2 heures après, la fumée est sortie blanche. Et alors, ça a été extraordinaire de voir les foules qui accouraient de toute la ville. Quand le pape arrive sur le balcon, tout de suite, le pape salue la foule. Sœur Anaïque Mérès. Et là, quand on a donné son nom, silence total. Alors nous, on a tous cru que, je sais pas, il avait une crise, enfin, type crise cardiaque, ou, enfin, il était tellement ému de voir... on a cru qu'il était pris par ça, et c'était pas du tout ça, c'était qu'il intériorisait cette élection. Et avant de parler, il a voulu que ce soit nous qui parlions. C'est-à-dire, maintenant, je vous demande votre bénédiction sur moi. Bon, on est tous restés comme ça, les bras ballants. Et ce qui a surpris toute la foule qui était sur la place. 13 mars, mais c'était un hiver. Gian Maria Vian. Pluie, froid, et là aussi, c'est une énorme surprise parce que personne ne l'attendait, en réalité. Les troisièmes non-italiens, mais pour première fois un Américain. Parce que le dernier pape non-européen se range fin 7e, début 8e siècle. Et jamais un jésuite. Et jamais un pape qui choisit un nom qui n'est pas un nom chrétien. François, ça veut dire quelqu'un qui vient de la France. Mais c'est les noms les plus chrétiens qu'on peut imaginer parce que pour François d'Assise. Et ça a été immédiatement un message. Avec ça, il est très pastoral. Par exemple, ce dimanche, à l'Angélus, il a fait distribuer des évangiles sur la place et il a dit « Ceux qui vous donnent ces évangiles, c'est des gens sans abri. » Il est en train de faire construire, je ne sais pas si vous avez vu sur la place Saint-Pierre, des douches pour tous les gens sans abri qui ne peuvent pas se laver. Bon, et après, il a demandé à des coiffeurs si, sur leur liberté du lundi, s'ils pouvaient donner du temps pour qu'ils puissent leur couper les cheveux, leur faire la barbe, etc. Vous n'avez jamais vu de pape qui faisait ça jusqu'à maintenant. Au Vatican, les gens croient en Dieu. Tous, sans exception. Ils croient en la sainteté du pape et sont animés par la foi. Et finalement, c'est peut-être ça le plus exotique, cette évidence. La conviction qu'une visite du pape peut changer la vie ou qu'un simple regard de sa part pourrait tout arranger. Le père Mazas, dans sa robe monacale de toile grise, le chapelet, attaché à la taille, mais assis devant un ordinateur dernier cri, est plein de cet étrange enthousiasme. Voilà, ça sent être... Oui, alors... Oui, donc là, vous nous montrez, Père Laurent Mazas, des photos où on voit le pape François, justement, avec des enfants. Quand le pape François est arrivé, il a dit « Mais tournez-vous vers les périphéries. » Et dans ces périphéries des cités, ou tout simplement les périphéries de l'existence, il y a notamment énormément d'enfants. Donc, j'organise chaque année un train, 450 enfants, qui viennent rencontrer le pape, que le pape accueille d'une façon absolument extraordinaire. Ces enfants sont soit des enfants de la DAS, et qui sont des enfants qui ont au moins un des parents en prison. L'an dernier, j'ai fait venir des enfants des périphéries de Naples, les quartiers les plus sordides. Hein. Je ne sais pas si vous avez idée de Gomorre. Hein. C'est un peu ces milieux-là dans lesquels ils vivent. Et là, le pape avec eux est génial. Quoi. Il sait trouver les mots et surtout les gestes. L'an dernier, quand on a fait venir ces enfants de Naples, ils ont voulu offrir un présent au pape. C'était quelque chose de très simple. Hein. C'était un espèce de petit vase fait à partir de la terre des catacombes de San Gennaro. Ils lui ont offert en disant « Vous pourrez mettre comme ça vos hosties ou dans cette chose-là. » Donc oui, ça c'était un moment très émouvant parce qu'il y avait une petite fille de 13 ans qui est venue avec un bébé de 4 mois. Et du coup, on avait demandé à cet enfant d'offrir un bouquet de fleurs au pape. Et c'était son enfant ? C'était son enfant, oui. Son enfant de 4 mois. Donc elle l'a eu, elle avait 12 ans, quoi. Et alors, je l'ai dit au pape avant, j'ai dit, vous savez, vous aurez une petite fille qui va vous offrir un bouquet de fleurs, et alors voilà sa situation. Alors le pape fait mine de rien, et puis la petite fille s'avance pour lui offrir les fleurs, et puis avec tout sourire, comme vous le voyez sur la photo, en fait le pape lui a demandé « mais qu'est-ce que c'est que ces fleurs ?» Alors elle ne savait pas trop, elle a dit « ce sont des marguerites ». Et puis le pape la regarde dans les yeux comme ça, elle lui dit « ma sono belle come te, elles sont belles comme toi ». Voilà, ça c'est notre... On voit que le pape aime beaucoup toucher les gens. Sur toutes ses photos, on voit qu'il a des gestes affectueux vers les gens qui sont autour de lui. C'est ce qu'on dit, c'est qu'il a tout compris de la communication moderne. On a ces images en tête où il a embrassé des gens qui avaient des visages complètement défigurés par la maladie. Lui, il n'y a aucun problème, il les prend, il les embrasse et il continue. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit « ah ben je suis en plein dans l'axe, il va me reconnaître ». Mais j'étais à côté d'un handicapé, il n'avait Dieu que pour l'handicapé. Et bon, c'est très bien. Ce qu'on entend, c'est que le pape François est différent et qu'il veut tout changer. Il sacralise l'écologie, propose un synode sur la famille pour tenter d'ouvrir l'église aux divorcés, tente un nettoyage de la Banque du Vatican, entreprend de réformer la curie et instaure un tribunal pour juger les crimes pédophiles. On dit qu'il a un style unique, mélange de décontraction et de fermeté, que c'est un pape évangélique qui renonce à l'apparat, un pape tolérant qui marche dans les pas de saint François, un jésuite qui remet la diplomatie au centre. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas dire la même chose de Jean-Paul II ou de Jean XXIII ? Est-ce que Paul VI ne voulait pas réformer l'Église ? Est-ce que Pie XII n'était pas le pape de la diplomatie ? Et est-ce qu'on n'attend pas en vain la réforme d'une institution qui se veut immuable ? En attendant, François est surtout le pape du sarcasme. Et la curie ne s'est toujours pas remise de son discours de bonne année qui détaille impitoyablement les 15 maladies dont elle serait atteinte. Et c'est peut-être ça, le plus jubilatoire, son sens de la formule qui tue. Discours des 15 maladies. 22 décembre 2014, discours du pape François lors de la présentation des vœux de Noël à la curie romaine. Chers frères, avant tout, je voudrais vous souhaiter à tous une sainte fête de Noël et une bonne et heureuse année. Il est beau de penser à la curie romaine comme à un petit modèle de l'Église, c'est-à-dire comme à un corps. Mais comme tout corps humain, elle est exposée au dysfonctionnement et à l'infirmité. Et je voudrais mentionner ici certaines de ces maladies curiales. La maladie d'Alzheimer spirituel, c'est-à-dire l'oubli de son histoire personnelle avec le Seigneur. La maladie de la pétrification mentale et spirituelle. La maladie de la rivalité et de la vanité, quand l'apparence, les vêtements et les signes honorifiques deviennent le premier objectif de la vie. La maladie de la rumeur, de la médisance et du commérage. Et la dernière, la maladie du profit mondain et des exhibitionnismes. Elle est celle de l'apôtre qui transforme son service en pouvoir. Frères, tous mes vœux à l'occasion de cette sainte fête de Noël. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Antoine-Marie Izoard, vous dirigez l'agence Immedia, qui donc est spécialisée sur tout ce qui concerne le Vatican à Rome. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent les réformes principales que le pape François est en train de mettre en place ? C'est la réforme de la curie romaine, c'est-à-dire de l'appareil qui gère le gouvernement de l'Église à travers le monde, depuis Rome essentiellement. Mais on sent bien, d'ailleurs, depuis 2 ans de pontificat et encore très récemment, avec le fameux discours des 15 maladies à la curie romaine en décembre, quand le pape devait adresser ses vœux aux cardinaux et qu'en fin de compte, il leur a dit « Attendez les gars, je vais vous donner la liste des maladies que vous pouvez attraper ici dans la curie ». On sent bien que cette réforme, elle est aussi sur le comportement, sur l'attitude des hommes d'Église, des prélats. Alors bon... Il y a eu surtout l'affaire Vatilix, qui a donné lieu à des échos à travers le monde sur ce que pouvait être l'Église et les petites corruptions, le népotisme, les accords internes. Donc ça, les cardinaux n'en veulent plus. Et là, le pape ou les cardinaux décident qu'on simplifie un petit peu l'appareil. Un des problèmes, c'est l'italianisation de cette curie. C'est-à-dire beaucoup d'Italiens, Puis, un autre problème, c'est peut-être l'aspect trop pyramidal. Et le pape, lui, veut quelque chose de plus collégial. C'est un terme très catholique, mais ce qui veut dire donner plus de pouvoir sur certains domaines aux évêques à travers le monde. Vous avez évoqué, Antoine-Marie Zoar, Vatilix. Vatilix, c'est le choix d'un un homme de confiance du pape, le majordome, Paolo Gabriele, Paoletto, comme on l'appelait ici de façon très affectueuse, d'essayer de partir à la défense du pape en révélant un certain nombre de secrets internes qui montrent en particulier une forme de cabale contre Benoît XVI. Lui pensait en fin de compte défendre Benoît XVI en révélant un certain nombre de secrets volés, hein, très clairement sur la table du pape. On sait quand même que Paolo Gabriele n'a pas agi tout seul et qu'il y avait une espèce de comité de défense de Benoît XVI. Et d'ailleurs, on peut le comprendre parce que c'est un pape assez incompris globalement. Et je pense très, très honnêtement que son dernier acte de courage, c'est la démission pour créer un choc. Et le choc a fait que Bergoglio a été élu. Alors, il y a peut-être d'autres éléments de réforme, en tout cas de changement, qu'est en train d'effectuer le pape François. Il y a question de la réforme financière, qui prend aussi beaucoup d'espace dans le temps médiatique autour du Vatican, et puis peut-être aussi les questions de pédophilie. Alors, sur la pédophilie, comme sur les questions financières, ce sont des dossiers, effectivement, qui, déjà, ont été ouverts largement par Benoît XVI. Et puis, on peut clairement penser que le charisme, la popularité de François porte ces questions-là. Donc l'ouverture d'une commission particulière pour protéger les mineurs, malheureusement il a fallu du temps, mais Benoît XVI va ouvrir la porte. Et puis il y a effectivement la question financière, et sur la transparence financière, là aussi lancée par Benoît XVI, parce qu'il y avait des problèmes de liens assez étranges, occultes, entre la Banque d'Italie et... L'IOR, l'institut, le fameux Institut pour les œuvres de religion, qui n'est pas vraiment une banque, mais qui en a tout l'air. Là, pareil, Benoît XVI va lancer cette opération de transparence. C'est François qui en récolte en partie les fruits, et aussi avec certaines phrases fortes que n'avait pas Benoît XVI. Don Corleone, j'ai besoin de votre appui. Et ça n'a rien à voir avec deux ou trois cierges. Rome a décidé de me mettre à la tête de la banque du Vatican. Mais je n'ai jamais été un vrai banquier. Mea culpa. J'ai eu confiance en mes amis. Ces amis se sont servis de notre mère l'Église afin de s'enrichir. Si on a perdu de l'argent et que l'on m'en blâme. Oh, si seulement une bonne prière pouvait combler nos 700 millions de dollars de déficit. Peut-être vous pouvez nous expliquer ce qu'est le problème avec l'IOR, avec l'IOR, l'Institut des œuvres religieuses. L'IOR, c'est un problème essentiellement de népotisme, de petits accords entre amis. Antoine-Marie Zoar. De cardinaux qui se disent « moi, j'ai le pouvoir au Vatican, je peux très bien arriver demain et demander à ce que 100 000 euros soient versés sur le compte de tel autre pour rendre service à un ami, entrepreneur, ceci, cela. » Et une banque qui est aux ordres des prélats et des hauts prélats de l'Église. Et ces prélats corrompus, il fallait que ça cesse, quoi, à un moment ou à un autre. Mais encore aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a dans la presse italienne des affaires qui sortent. Je pense à un prélat italien en particulier qui est enquêté pour avoir déposé à l'IOR, donc à la Banque du Vatican, pour ainsi dire, des sommes importantes après des accords sur des contrats de grands travaux, des affaires d'appel d'offres et tout ça légèrement frauduleuses. Et ça, c'est plus possible. Il ne faut pas que la Banque du Vatican, qui est à la base une banque pour les missions, pour les congrégations religieuses, serve à des petits profits ou des gros profits de prélats qui se seraient habitués à profiter de cette espèce de paradis fiscal qui n'en est pas vraiment un, mais enfin, il y a quand même un secret qui entoure cette institution. Et donc Benoît XVI et François, maintenant avec pas mal de poigne, ont mis à la tête de l'IOR des responsables de la transparence. Je pense aux Suisses qui est en charge de l'autorité d'information financière du Vatican, René Brulhart, et encore très récemment, il y a quelques mois à peine, la nomination de Jean-Baptiste de Françu, qui est un Français et qui est à la tête de l'IOR. Oh. est Via Santa Anna et on va entrer pour la première fois au Vatican. Il y a plein de touristes dans la rue qui vont et qui viennent avec des gros cornets de glace. Il y a des boutiques partout de souvenirs avec des chapelets, des foulards, des portraits du pape François. On est juste derrière la place Saint-Pierre. On voit encore les colonnes des arcades du Bernin. Et là, on va rentrer par la porte Santa Anna, par un grand portail gardé par des gardes suisses en costume bleu. On attend Max Hohenberg, donc, qui est le porte-parole de la Banque du Vatican, de l'IOR, qui va nous chercher à l'extérieur. Parce qu'évidemment, l'entrée dans le Vatican n'est pas du tout libre. Il faut avoir une carte spéciale. Il y a des bonnes sœurs qui entrent, qui sortent, avec leur voile blanc, gris, noir. Puis il y a des fonctionnaires aussi du Vatican qui vont travailler. Les voitures officielles. Bonjour. Bonjour, bonjour. Allez-y. Donc on est rentré dans le donjon de l'IOR. Oui. En fait, la banque est dans une tour. Oui, c'est une tour du 15e siècle. Symboliquement, pour une banque, un château fort, c'est bien. Nous ne sommes pas une banque stricto sensu, parce que nous ne donnons pas de crédit, mais certainement, être associé avec une fortification, ça peut être utile. Dans un couloir de marbre, buongiorno, avec des fauteuils en cuir, des plafonds peints, avec des fresques, on voit des angelots, donc des boiseries, des portes, du marbre encore. Et on arrive dans une immense salle de réunion avec un plafond peint sur lequel on voit les vertus cardinales, j'imagine, l'église, on voit la Vierge aussi. On va s'asseoir donc à une table de réunion. Max Hohenberg, vous êtes le représentant, le porte-parole de l'IOR, donc de l'Institut des œuvres religieuses du Vatican. Peut-être vous pouvez nous dire brièvement en quoi l'IOR est une banque, en quoi ce n'est pas une banque. Je pense que c'est le meilleur point de référence pour comprendre ça, c'est en fait 1942, la situation dans laquelle se trouvait le Vatican, l'Église catholique. Vous avez une situation avec l'entrée en guerre des États-Unis où surtout les ordres religieux qui sont jusqu'à ce jour la part principale de notre clientèle sont effectivement coupés des réseaux de paiement internationaux. Donc, il y a un problème de distribution de fonds qui se pose pour les ordres religieux. D'un autre côté, vous avez une situation où vous avez d'un côté la menace nazie et d'un autre côté la menace bolchevique. Donc, vous avez des entités catholiques, des diocèses, des ordres religieux qui cherchent à secourir leurs avoirs. Vous avez un troisième élément où, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu un fort élément de soutien de la part des catholiques américains, un soutien porté aux catholiques en Europe. Et donc là aussi, se posait la question d'une distribution adéquate de ces fonds. Et je pense qu'aujourd'hui, ça reste les deux fonctions principales de l'Institut, qui sont aujourd'hui les services de paiement et d'un autre côté, la gestion patrimoniale, si vous voulez, des avoirs de cette clientèle. Et est-ce qu'il peut y avoir aussi des laïcs qui ont des comptes à l'IOR? Oui, en fait, nous avons près de 5000 laïcs qui sont les employés et les pensionnés du Vatican. Donc ça peut être le jardinier des jardins du Vatican ou ça peut être un gendarme de la gendarmerie du Saint-Siège. Alors, on sait, Max Hohenberg, que l'IOR a été utilisé justement par des laïcs, par des religieux parfois, pour le blanchiment d'argent. Écoutez, on sait beaucoup. Donc, il y a beaucoup de création de mythes aussi autour de cette question. Si vous êtes un institut qui prête un service au nom du Saint-Père, vous avez un standard moral et éthique qui est supérieur. Donc, c'est un défi quotidien auquel l'Institut se doit soumettre et auquel l'Institut, dans les années auparavant, probablement n'a pas toujours répondu d'une façon satisfaisante. Le deuxième point, c'est que ça a à faire avec l'évolution des standards dans ce domaine du blanchissement d'argent au niveau global. Le Saint-Père Benoît XVI avait développé un standard au Vatican qui répond à un standard global. Un standard de transparence? De transparence. Vous voyez le développement, avec des hauts et des bas, mais quand même le développement d'un système de lutte au phénomène de blanchissement très musclé qui répond aujourd'hui aux standards internationaux. Vous avez l'impression peut-être qu'il y a des résistances parfois au sein du Vatican pour cette nouvelle culture de la transparence? Bon, pour notre client, ce qui compte, c'est la safety, c'est la sécurité. La transparence en tant que telle n'est pas une valeur. Pour une banque en tout cas? Non, je ne dirais pas pour une banque. Si vous êtes prêtre dans la Corée du Nord, pour vous donner un exemple, vous avez... pas de grande sympathie pour l'idée de la transparence. Vous avez plus de sympathie pour l'idée de la sécurité. Et ça s'applique dans beaucoup de régions dans le monde. Ce qui reste central à notre service, c'est la sécurité et la discrétion de notre service. Notre groupe représente le consortium catholique des hommes d'affaires qui sont contre le contrôle Corleone. Un accord avait été passé. Asseyez-vous. Je préfère rester debout. Allons, messieurs. Vous êtes au Vatican, je vous en prie. On revient au temps des Borgia. Oncle Michael. Bonjour. On m'a dit que vous étiez là. Ça fait plaisir de vous voir. Vincent. Je suis content. Je vous entends parler des Borgia, mais c'est fini ce temps-là, oncle Michael. Bah, le problème du Vatican, c'est qu'il y a les amis d'amis. Il y a donc entre 2000-2500 personnes qui travaillent au Vatican. On compte qu'avec ça, on peut rajouter 2000 autres qui sont les retraités. Et vous avez par exemple, pour aller au Vatican, une carte pour aller qui est donnée à tous les employés du Vatican, ou alors aux pensionnats, aux retraités, une carte pour aller au supermarché, au marché de luxe, au magasin de luxe. Bon. Et des cartes, il n'y en a pas 4000 qui circulent à Rome. Il y en a 40 000. Donc il y a un vrai problème, c'est-à-dire que là, on a donné pouvoir à l'un, à l'autre, d'avoir la carte. Tiens, je le donne à mon copain, à mon neveu, à mon machin. Et c'est vrai que ça, et Benoît XVI, et François avec encore plus de force, dénoncent ça et veulent éviter tout ça. Et donc, avec la banque, c'était exactement pareil. Tiens, ben, allez, je vais t'ouvrir un compte, il n'y a pas un problème, je vais demander au prélat machin, tiens, je connais, j'ai un... Alors c'était parfois des prélats du sud de l'Italie, ou... qui avaient des affaires pas toujours très claires, ou des amis de prélats, qui profitaient de cette autoroute de discrétion, de huis clos financier pour faire fructifier leurs affaires. Et puis il y a un ministère des Finances désormais au Vatican. Et il y a la création, effectivement, il y a cette création du secrétariat pour l'économie, avec un conseil de cardinaux et d'experts laïcs. Et c'est aussi un peu ça la nouveauté du pontificat de François, c'est de mettre dans plusieurs domaines, en particulier la question financière, mais aussi la question de la protection des enfants, des mineurs, et donc avec les affaires de pédophilie au sein du clergé, mais aussi la question de la réforme des médias, de mettre dans toutes ces commissions la présence de laïcs experts, alors évidemment sous secret, qui permettent à l'Église d'avancer avec beaucoup plus de crédibilité et de transparence à l'égard du monde sur certains problèmes qui pèsent, une fois de plus, dans le témoignage qui peut être celui de l'Église catholique aujourd'hui. J'ai eu tort de ne pas vous mettre en garde plus tôt. Je pense que vous avez tous très mal démarré l'année. Or, vous avez choisi de suivre le Christ. Et ce choix vous oblige. Nous travaillons tous ici à refonder l'esprit et les pratiques d'une institution prestigieuse qui s'était la langue laissée aller à trop de facilité. Réformez-vous. Changez vos cœurs pour Dieu. Le pape semble avoir pris le problème par Jean-Luc Poutier. Le plus urgent. Et il a exigé que les finances du Vatican et du Saint-Siège respectent les critères de transparence du Conseil de l'Europe, ce qui suppose en particulier une coordination dans le travail anti-blanchiment avec la Banque d'Italie, ce qui était quand même peu apprécié par un certain nombre d'administrateurs du patrimoine ecclésiastique. Et donc là, il a pris le problème vraiment très sérieusement et très efficacement en main. À partir de là, est-ce qu'il va pouvoir dans tous les secteurs faire la même chose? Est-ce qu'il en aura le temps? Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Je vous attends dans la chapelle d'ici une heure, pour les Laudes, pour prendre un nouveau départ. L'Église change de visage, parce qu'on sait aujourd'hui que la plupart des catholiques ne sont pas forcément en Europe. Est-ce que ça change aussi le visage du Vatican ? Alors ça, c'est un vieux serpent de mer qui occupe les discussions depuis au moins une cinquantaine d'années, à l'époque où le pape Paul VI s'est rendu compte que le centre de gravité de la chrétienté n'était plus en Europe, mais se déplaçait vers l'Amérique latine. Et donc, traditionnellement, évidemment, beaucoup d'Italiens travaillaient au Saint-Siège, et Paul VI a décidé de réformer la curie et de commencer à l'internationaliser. Il s'est heurté sur ce plan à de fortes résistances. Et il semblerait que le pape François ait vraiment décidé de s'attaquer à cela. Bientôt, le principal continent chrétien sera l'Afrique, et plus du tout l'Europe. Pour la première fois, et ça c'est une grande mutation à l'intérieur de l'Église, pour la première fois, les cardinaux appelés à élire le prochain pape seront des cardinaux en majorité non européens. Marco Politi, vous avez écrit un livre récemment qui s'intitule « François parmi les loups », un livre donc consacré au pape François. Pourquoi vous avez choisi ce titre ? Bien, tout le monde sait, en Italie, il y a cette légende de Saint François d'Assise qui un jour avait rencontré un loup dans la forêt et le Saint François a commencé à prêcher et après ça, le loup a baisé la main du saint et est devenu très docile. Et avec pape François, au contraire, les loups, ça veut dire tous les gens qui s'opposent à la révolution du pape François, deviennent de temps en temps plus agressifs. On le peut voir dans les derniers mois, il y a des voix très critiques contre le pape. Qui sont les loups qui s'attaquent au pape François ? Alors, il y a une partie de la curie, mais aussi une partie de l'épiscopat mondial qui ne sont pas d'accord avec des réformes du pape François. La question la plus connue, la question des divorcés remariés. Alors, il y a une partie des loups, disons comme ça, une partie des adversaires qui n'acceptent pas ce qui est la ligne pastorale de la miséricorde du pape François. Pape François est convaincu que l'Église doit aider les gens, que l'Église doit être un hôpital de camp, ne doit pas être une sorte de douane avec un douanier qui dit « tu peux entrer, tu ne peux pas entrer, tu es condamné pour l'éternité » parmi les cardinaux et les évêques américains de l'Amérique du Nord, qui étaient très en faveur de l'élection du pape François, maintenant commence à s'opposer. Le pape, vraiment, ne veut plus une église impériale, une église monarchique. Il veut plutôt avoir une église catholique communautaire, où il y a une grande participation, une participation des évêques au gouvernement général de l'Église avec les papes, mais aussi une participation du laïcat plus active. Il ne veut pas une Église cléricale. Il dit que l'Église doit être pauvre et pour les pauvres. Ça veut dire aussi que les évêques devraient changer leur train de vie, ne vivre pas comme des fonctionnaires ou des princes de la Renaissance. Alors, la très grande majorité des catholiques adore le pape, mais la structure, les évêques, le clergé, ne sont dans leur majorité prêts à un changement tellement fort. Et alors, comment justement résiste cette curie ? Comment résiste ce clergé, puisque donc, ce sont ces loups qui encerclent le pape François ? Comment ils font pour résister ? Il y a une grande résistance passive, silencieuse. Et d'autre côté encore, il y a une agressivité très large sur beaucoup des sites du web, de Internet. Là, il y a des groupuscules qui sont, on peut dire, alimentés par les conservateurs de la curie ou les conservateurs des conférences épiscopales. Et cette groupuscule sur Internet emploie un langage absolument très agressive. Alors il dit que le pape est populiste, qu'il est paupériste, qu'il est démagogue, qu'il ne respecte pas la sacralité de la papauté. Sur Internet, on voit vraiment une campagne de délégitimation du pape. Qu'est-ce qu'il risque concrètement ? Il risque d'être bloqué. Concrètement, la structure veut empêcher les réformes. Et avant Noël, il y avait un prêtre argentin qui a dit au pape « Tu le sais, Jorge, George, que tu es dans un endroit où tu risques ta vie. » Et le pape a répondu « Ça serait la meilleure chose pour moi. » Le pape est aussi prêt au martyr. Et Bergoglio sait qu'il y a des risques aussi dans sa mission, mais il n'a pas peur. Il est très tranquille. Olivier Tosseri, vous êtes journaliste à Rome. On peut peut-être évoquer la figure du pape François, donc ce pape qui est extrêmement populaire. On a l'impression qu'il est très populaire autant finalement chez ceux qui sont croyants que chez ceux qui ne le sont pas, en tout cas chez une certaine part de la population laïque. Est-ce que pour vous, il y a une sorte de malentendu, c'est-à-dire que cette popularité repose aussi sur le fait que les laïcs ne connaissent de moins en moins l'Église ? Ils ont des attentes qui ne sont peut-être pas réalistes. Déjà, il a bénéficié de l'impopularité de Benoît XVI. Ensuite, effectivement, c'est un pape qui épouse l'air du temps. C'est-à-dire qu'une personnalité qui manie bien les petits mots, les petits gestes, qui a un contact avec les foules, ça plaît. Effectivement, je pense que beaucoup de personnes qui sont indifférentes à l'Église ou hostiles à l'Église sont très contentes de pouvoir apprécier la figure du pape sans pour autant épouser le message ou être d'accord avec ce que peut proposer l'Église catholique. Et puis en plus, c'est un pape argentin, donc ça aussi, ça joue dans l'imaginaire. On se dit, voilà, il est sud-américain, donc forcément, il est peut-être plus détendu, plus cool. On a aussi cette idée reçue, là, parfois. Il bénéficie d'un a priori bienveillant, là où Benoît XVI avait un a priori malveillant. C'est-à-dire qu'effectivement, il va pouvoir délivrer le même message que Benoît XVI, mais ce qui, chez Benoît XVI, pouvait passer pour de la réaction ou du crypto-fascisme, pour François, ça va être le signe d'une grande ouverture d'esprit ou d'une compréhension de la sensibilité des gens. Puis effectivement, pour revenir sur le fait qu'il y a une méconnaissance du fait religieux, un exemple tout bête, pendant la Semaine Sainte, le pape lave le pied des malades. Souvent, dans la presse, on va décrire la grande attention que le pape porte aux plus défavorisés, aux plus déshérités, alors que c'est juste la tradition de l'Église catholique en ce qui concerne cette cérémonie-là. Et puis il y a aussi cet autre, peut-être qu'on peut parler de malentendu, là aussi, c'est-à-dire le fait que le pape François a changé la composition des cardinaux qui vont élire les prochains papes, et une certaine partie de l'opinion se réjouit parce que ce ne sont plus uniquement des cardinaux européens. Et vous dites que finalement, au contraire, ça va peut-être radicaliser, peut-être durcir encore plus l'aspect conservateur de l'Église. En ce qui concerne la famille, par exemple, le dernier synode préparatoire là, au synode pour la famille qui va avoir lieu l'automne prochain au Vatican, les prélats qui ont tenu les propos les plus ouverts selon les critères des sociétés sécularisées, c'était paradoxalement des prélats d'Europe, donc qui vivent dans ces sociétés sécularisées. Des vieux prélats d'Europe. Et des vieux prélats d'Europe, voilà. Et les prélats qui ont tenu les propos les plus réactionnaires ou traditionnalistes, c'est des prélats souvent issus des épiscopats africains. Donc là aussi, ça peut créer un malentendu entre les attentes qu'on projette dans l'Occident sécularisé et la réalité de l'Église, ou ce que pourrait donner des prélats ou une curie plus du Sud, comme on dit. Et est-ce que vous diriez que finalement il ne s'agit que d'une affaire d'image ? Déjà, il porte à son terme beaucoup de réformes qu'avait lancées Benoît XVI, comme la réforme financière, économique, la réforme de la Banque du Vatican, le IOR, tout ça, ça a été lancé par Benoît XVI. Le vrai virage contre la pédophilie, c'est aussi l'action de Benoît XVI, qui le présentait évidemment beaucoup moins bien. Et voilà, ce n'est pas des éléments qu'on a portés au crédit de Benoît XVI, mais qu'on porte au crédit de François. Maintenant, nous avait présenté la réforme de l'Église comme quelque chose de collégial, comme le besoin de communiquer, de parler. Bon, on s'aperçoit quand même que ça reste le patron C'est lui qui a nommé les 9 cardinaux, son groupe de conseillers, qui décide qui aura le dernier mot. Pour faire quoi ? Pas nécessairement ce qu'attendent les opinions publiques sécularisées. Ça. Sur le chemin, pour arriver à Jésus, par la main de François. François est la nouvelle lumière, une lumière qui nous éclaire tous. Nous allons prier pour lui, comme il prie pour nous. François ouvre ses bras pour prendre soin du peuple de Dieu, et surtout des plus pauvres, comme Jésus prenait soin d'eux. Avec la divine mission d'annoncer à tes frères l'évangile de Dieu. Illumine sur le chemin pour arriver à Jésus par la main de François. Le cardinal Poupart semble éternel et il a connu tous les papes depuis Jean XXIII. Il vit à l'abri des murs ocre d'un palais du Trastevère avec des sœurs discrètes qui s'occupent de son intérieur. Il nous attend dans sa légendaire bibliothèque aux milliers de volumes. Et dans l'obscurité apaisante des volets clos, entre ses propres œuvres traduites en 10 langues et un portrait de lui peint à l'huile posé en évidence sur un chevalet, il utilise une langue et des manières surannées, tandis que sa croix pectorale glisse sur le tissu lustré de la soutane noire. Tranquille, il égrène ses souvenirs avec plaisir et parfois une certaine malice. J'ai vécu donc les passages successifs d'un pape à un autre avec le sentiment donc du changement dans la continuité. Bon, je suis arrivé donc dans des temps lointains qui étaient donc les années 60, le début du pontificat donc de mon premier saint pape, donc Jean XXIII. Et puis voilà que ce nouveau pape a un comportement tout à fait différent de son prédécesseur. Je me rappelle, on le voit qui marche dans les rues de Rome. Alors les Romains qui ont le sens de la formule l'ont appelé, comme vous savez qu'il y a Saint-Paul hors les murs, ils l'ont appelé Giovanni Jean hors les murs, Giovanni fuori le mura. Les Américains qui boivent du whisky l'ont baptisé Johnny Walker. Bon. Et puis il décide de faire un concile. Alors donc, révolution, c'est donc un changement pour le coup épocal. Donc, puis à sa mort, je me rappelle donc l'élection du cardinal Montini. Et mon travail à la secrétaire d'État a changé du jour au lendemain, sans qu'on change un iota à la constitution de l'Église. Et Paul VI, après le concile, a réformé la curie. J'ai dit avec humour donc au pape François, je lui ai dit « Saint-Père, vous savez, j'ai été créé cardinal en 1985. » Et très peu de temps après, j'ai été invité par le pape Jean-Paul II à participer à un consistoire pour la réforme de la curie. Il m'a dit « Oh !» Donc, serpent de mer, dirons-nous. Bien. Et le pape Paul VI a donc fait donc l'inquisition de sinistre mémoire est devenue la doctrine de la foi, la propagande qui rappelait Goebbels est devenue l'évangélisation des peuples, et puis il a supprimé les brefs aux princes, les lettres latines, et puis d'un seul coup, d'un seul, je ne sais pas si vous mesurez l'impact, il a annoncé la nomination du cardinal archevêque de Sao Paulo comme préfet de la nouvelle congrégation pour l'évangélisation des peuples, et pour que tout le monde comprenne bien, avec deux secrétaires, Bernardin Gantin, archevêque de Cotonou, et Simon Lourdes-Samy, archevêque de New Delhi. C'était clair. Exactement. Alors donc, c'est pour vous dire que des changements. J'en ai vu un certain nombre, toujours dans la continuité, et que je me réjouis de participer maintenant à de nouveaux changements dans la continuité. Voilà. Le pape Pie XII est mort. Dès la nouvelle de la maladie contre laquelle se débattait le Saint-Père, les fidèles étaient venus prier jour et nuit devant le palais de Castel Gandolfo, la résidence proche de Rome. Ce pape sante romane ecclesie, cardinale Meroncalli. Dans la soutane blanche qu'il venait de revêtir, sa sainteté Jean XXIII donnait à la ville et au monde la première bénédiction de son règne. C'est un grand pape qui disparaît avec Jean XXIII. Midi 17, le pape Paul VI va apparaître pour la première fois au balcon de la basilique Saint-Pierre. Habemus Papam. Depuis quelques minutes, Jean-Paul Ier, que tous les fidèles assemblés attendent, est le 263e pape de la chrétienté. Cardinalem Luciani. À 7h40 ce matin, la nouvelle était officielle. Le pape est mort. Il est mort. Bonsoir. Oui, Jean-Paul II succède à Jean-Paul Ier. Jean-Paul II, c'est le nouveau nom du nouveau pape et fait exceptionnel dans l'histoire de l'Église. Ce pape n'est pas italien. Le pape Jean me disait Figlio Bello, ce qui est intraduisible. Le pape Paul VI me disait Cher Monseigneur. Jean-Paul II me disait Alors, comment ça va? Ratzinger, comme je l'appelle toujours, a été collègue pendant 25 ans, chère éminence. Et puis le pape François, si vous vous retournez, et que vous voyez, on en a fait un calendrier, ce n'est pas triste. Vous, vous vous donnez l'accolade. Voilà. Voilà. Les prêtres sont comme les avions, et ils ne font la une des journaux que lorsqu'ils tombent. Mais il y en a beaucoup qui volent. Mettez le bordel, mettez le feu dans les diocèses, ne restez pas enfermés dans vos communautés, l'Église doit sortir dans la rue. Si nous faisions un christianisme plus humain, sans croix, sans dépouillement, nous deviendrions des chrétiens de pâtisserie, comme de beaux gâteaux, de belles confiseries. L'Église est une mère, pas une babysitter. Le confessionnal n'est pas une teinturerie qui ôte les taches des péchés, ni une séance de torture où l'on inflige des coups de bâton. La joie est un don du Seigneur. Ne soyez pas de ces chrétiens mélancoliques qui ont le visage de piment au vinaigre. Avec une tête d'enterrement, vous ne pouvez pas annoncer Jésus. Le Seigneur veut que nous soyons des pasteurs, pas des brosseurs de brebis. Notre Dieu n'est pas un Dieu aérosol, il est concret. Il y a des phrases comme ça, on dirait qu'elles sont quand même faites pour être reprises, et puis pour taper dans le mille, pour marquer un peu, parce que c'est des termes souvent qui sont forts, parfois qui sont un peu familiers, et puis pas toujours très tendres à l'égard de l'Église ou des catholiques en général. Il fait un peu du catho-bashing. Et ça, ça plaît beaucoup aussi aux médias généralistes. Hein. Antoine-Marie Isoard. Alors certains prêtres et religieux et fidèles commencent à en avoir un peu ras-le-bol parce que c'est souvent que ça revient. C'est ce que regrettent pas mal d'amis prêtres en France qui me disent « Moi, j'en ai un peu marre de venir à Rome, on se fait tout le temps taper dessus. » On n'a jamais eu autant de paroles papales. Tous les matins, à la messe à Sainte-Marthe, il y a 20 minutes d'homélie ou 10 minutes d'homélie parce qu'il est assez bref. Et donc autant de textes tous les jours à traiter pour nous les journalistes. Alors, au bout d'un moment, la culture de la rencontre, aller aux périphéries de l'existence, sortir, aller voir les plus pauvres, je ne dis pas qu'on en a marre, mais enfin, on commence à être un peu lassé. Et comme jésuite aussi, il a tendance à dire un truc un peu son contraire, enfin, on dirait en France des Normands. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Alors, les phrases sur les lapins, ou les catholiques qui se reproduisent comme des lapins, il a quand même dû rectifier le tir deux jours après, lors d'une audience. pour dire non mais les enfants c'est une bénédiction pour l'Église, les familles nombreuses c'est très important. Je pense qu'il voulait juste dire qu'il fallait faire attention et pas croire que parce qu'on avait plein d'enfants on était catholique. Mais c'est une évidence que ça suffit pas. Voilà, d'une manière générale il a cette tendance à lancer des petites phrases qui ont du succès et il en est bien conscient. Là-dessus il a ses jésuites. C'est une technique... Une technique assez jésuite de, Olivier Tosserie. De pédagogie liée aux exercices spirituels. C'est-à-dire qu'on prend les gens là où ils en sont et pour les amener vers Dieu. Et on est plus dur avec les bons élèves qu'avec les mauvais. Ce qu'il a fait avec la curie, par exemple. C'est-à-dire que là aussi, donc il joue sur deux registres. C'est-à-dire qu'à la fois, il conforte nos préjugés, notre imaginaire autour de l'Église. C'est-à-dire qu'effectivement, en allant critiquer la curie romaine et les cardinaux en traitant de corrompus, de prétentieux, hein, là, il va parfaitement dans le sens de ce que les gens attendent en Occident, en Europe, et l'image qu'ils ont de la curie. Et en même temps, il va donner cette image de... pape sympa et de pape proche des gens. Et donc, il joue comme ça sur plusieurs registres. Mais ça, voilà, c'est très exercice pie jésuite. Là aussi, il y a beaucoup de fantasmes de la part, justement, toujours de cette opinion occidentalisée, sécularisée, alors que finalement, il y a un dogme dont l'Église ne bougera pas. Le plus éclairant, c'était justement cette déclaration dans l'avion au retour de son dernier voyage. Il parlait des couples catholiques qui ne devaient pas se reproduire comme des lapins. On s'est arrêté à cette phrase un peu choc, sans écouter la suite de la déclaration, où il faisait l'éloge de Paul VI, où il rappelait l'importance d'Humanevitae qui condamnait la contraception en 1968. Donc, même chose aussi pour l'ouverture ou la tolérance vis-à-vis des homosexuels. Il dit rien de nouveau comparé à ce que pouvait dire Benoît XVI. Il va le dire avec l'accent espagnol, il va le dire avec un sourire, mais là encore, et pour la fameuse phrase « Qui suis-je pour juger les homosexuels ?», c'est aussi sorti de son contexte, puisque il rappelle que « Qui suis-je pour juger un homosexuel ?», mais qui vient se repentir, qui vient demander la confession, donc ça n'a rien à voir avec une ouverture ou un changement radical de la ligne de l'Église sur ces questions-là. Et effectivement, je pense qu'on a beaucoup d'attentes sur le prochain synode qui aura lieu au Vatican au sujet de la famille, des attentes qui risquent d'être déçues. François, objectivement, c'est l'homme de la foule. Voilà. Donc quand il rencontre le chef d'État français, rwandais, ou je ne sais qui, ou le roi d'Espagne, il est grave, il est sérieux, il a même presque l'impression de faire un peu la gueule. Mais quand il est place Saint-Pierre avec les foules, c'est un autre homme. Il attrape les enfants, il descend de sa papa mobile pour embrasser une vieille dame, pour prendre un enfant tétraplégique dans les bras. Il y a cette force de communication, mais qui n'est pas réfléchie. Maintenant, il sait que ça marche. Il sait quels sont les gestes qui marchent. Il y a quelques mois, il est allé dans la chapelle Sixtine rencontrer les pauvres qui visitaient la chapelle Sixtine. On a fait semblant que c'est une surprise. Il va aux Philippines, il fait à peu près semblant de rencontrer des enfants assistés par une œuvre charitable, des enfants des rues, des orphelins récupérés par une œuvre. Il sait qu'il va faire une audience sur les personnes âgées. Et les médias vont retenir deux phrases fortes. Il va dire les bonnes phrases. Et puis, 10 minutes avant... Il passe en papa mobile dans la foule, il voit une vieille dame, pof, il fait signe à son chauffeur, il lui tape sur la tête, il descend la papa mobile, il prend la vieille dame dans ses bras, hop, là il y a 12 photographes des agences internationales qui photographient le pape avec une vieille dame, et c'est fait, il y a déjà la photo pour, dans une demi-heure, les agences pour mettre le pape à déclarer que ceci, cela, les vieux, ils sont rejetés comme des ordures, des machins, il fait des phrases, mais il n'a pas une équipe de communicants extraordinaire, il y a quelques hommes qui sont chargés de ça. Surtout de vérifier que des choix qu'on va faire, parce que ça, pendant le pontificat de Benoît XVI, il y a eu quelques gaffes, des choix qu'on va faire ne vont pas tomber vraiment au mauvais moment. Quoi. Il y a aussi des décisions qui semblent parfois un peu populistes, qui sont prises par le pape François. On peut penser aux douches qu'il fait installer sur la place Saint-Pierre, ou aujourd'hui à cette visite des musées du Vatican qu'il organise pour les sans-domicile fixe. On peut imaginer que l'Église pourrait avoir d'autres solutions pour les sans-domicile fixe, par exemple. Oui, l'Église catholique, c'est le premier propriétaire à Rome, soit de terrain ou d'immeubles. Donc, effectivement, l'Église pourrait ouvrir quelques immeubles aux sans-abri ou ces couvents qui sont de plus en plus vides. Même chose pour la transparence financière qui est proclamée tambour battant à chaque déclaration sur le IOR ou sur l'argent de l'Église. L'Église catholique en Italie ne paie pas d'impôts, notamment sur les biens immobiliers. Quand l'Église fait de grandes déclarations sur l'État qui n'a pas assez de ressources en Italie ou sur un peu d'argent qui pourrait être destiné à des catégories moins favorisées, payer les impôts, ça pourrait être un bon départ. Et ça, c'est un serpent de mer ici en Italie dans le débat public de faire payer des impôts à l'Église. Mais voilà. À 18 km au nord de Rome, le pape vient inaugurer le nouveau poste radiophonique du Vatican, dont les installations sont de loin plus étendues que la cité du Vatican elle-même. 4 émetteurs couvrent les 5 continents. Après avoir mis en service les nouvelles stations de Santa Maria di Galleria, le souverain pontife lance un appel au monde entier. Dans son message, le Saint-Père exhorte tous les hommes à sauver la paix, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent. Madame, il faut mettre la radio, c'est la bénédiction du pape. Attends le potage, idiot. Le potage, vite. Voyons, Severino, c'est la bénédiction du pape. Le christianisme, c'est impossible sans communication. Ça suffit de penser que la définition du Christ est logos, parole. Gian Maria Vian. Le mystère central du christianisme, la Trinité, et ça implique la communication. Historiquement, le christianisme est fondamental pour la diffusion des textes. Pensez, par exemple, à la diffusion de la réforme luthérienne grâce à l'imprimerie. Arrivons à l'époque contemporaine. L'Église de Rome, première et unique institution religieuse mondiale qui se dote d'un journal, d'une radio, puis 11 l'opinion publique. C'est le pape avec qui débute la Radio Vatican, confiée à Marconi. Et puis 12, c'est le premier pape qui utilise les cinémas comme propagande. 43, il fait un film, Pastor Angelicus, Année de guerre, un film de propagande extraordinaire. Mais ça, c'est la réaction à la propagande et au totalitarisme. C'est le premier pape qui débarque à la télévision. L'Église a une grande sensibilité pour la communication. All'aurora del 12 marzo, il popolo di Roma, forestieri, pellegrini, si recano in frotte all'incoronazione del nuovo pontefice. E la città vaticana fervono gli ultimi preparativi per il fulgido rito. La guardia svizzera, nel suo quartiere, indossa le corazze e i morioni cinquecenteschi per la prima uscita in onore del nuovo pontefice. L'autre jour, il y avait un chef d'État d'un pays que je n'aimerais pas. Il y avait 9 berlines pour le conduire vers le pape, plus tous les gardes avec mitraillettes et tout. Ils allaient voir le pape, quoi. Un tout petit état religieux et archaïque, caché derrière des murailles centenaires et dirigé par un vieil homme en robe, comme ça, ça n'a l'air de rien. Pourtant, tous les chefs d'État viennent un jour ou l'autre montrer patte blanche et se plier au protocole hérité de l'ancien régime dans un cortège rythmé par les claquements de talons de la garde suisse. Ne manque que la chaise à porteurs, la mitre à trois couronnes et les traînes kilométriques disparues avec les années 60. Visiteur officiel est reçu devant les gardes suisses, une espèce de haie d'honneur, et puis ensuite Bruno Joubert. Des gentilshommes d'honneur du pape, c'est-à-dire tous ces gens qui, appartenant à des familles nobles qui ont servi la papauté parfois depuis plusieurs siècles, se mettent bénévolement au service du pape en grand uniforme pour accueillir les visiteurs. Ensuite, on est amené à pas lents à travers la galerie peinte par Raphaël, et puis on traverse la salle Clémentine, qui est une salle d'audience pontificale absolument splendide, avec des fresques du XVIe siècle. Et puis ensuite, on fait le tour des salons et on aboutit finalement dans l'antichambre du Saint-Père. La délégation attend qu'on lui fasse signe d'entrée. Le chef de l'État, lui, rentre et s'entretient en tête-à-tête avec le pape qui l'a accueilli sur le porche de sa bibliothèque. Et on repart de la même manière, de manière assez solennelle. Tout ça, un côté un peu vieille société, mais en réalité, ce qui est très important de savoir, c'est que dans ces rencontres, c'est toujours un tête-à-tête entre le chef de l'État et le pape. Et ça, ça rend évidemment leur conversation sans doute beaucoup plus fructueuse que s'il y avait une dizaine de personnes autour. Alors, ici commence le cortège. Alors, il y a devant Monseigneur Stefano Sancheri, un gars suisse, il s'appelle Sediari Pontifici. Ils sont, selon l'importance du dignitaire, 8, 6 ou 4. 8 par les reines, les rois et les reines, 6 par les chefs d'État républicains et 4 par les premiers ministres. Et d'ici commence le cortège. Ce sont des salles que les délégations officielles parcourent. Le cortège va réduire. Le cortège diminue. Diminue. Et le seul qui reste à la fin, c'est le chef d'État, qui est accueilli par des prélats dans du champ, c'est-à-dire moi et mon collègue, avec les domestiques du pape, qui sont 4 laïcs qui travaillent dans l'antichambre privée. Et l'un de ces gens est le monsieur Coppa. Monsieur Coppa, bonjour. Nous sommes dans la part du palais qui est dit antichambre pontificale et c'est la part publique. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans la première salle de l'appartement de l'antichambre pontificale, c'est-à-dire la salle où sont présents les sédiaires pontifici, qui dans le passé avait l'occupation d'accompagner les papes sur la sedia gestatoria. C'était les porteurs de la chaise. Et ont des fonctions aussi protocolaires. En italien, gestatoria, c'est la chaise portable. Le dernier pape qui a utilisé la siège était Jean-Paul Ier. Oui, on voit effectivement les montants de métal dans lesquels on enfile les barres qui servaient à porter la chaise. Il y a aussi des petites chaises pour transporter les papes dans les palais. Vous pouvez voir. Il fallait être combien pour porter cette chaise? 12. Alors, Nicola, grazie. C'est un sediario pontificio, ma il n'est pas en grande tenue. Tu non porti più la sedia. Ah, no, purtroppo. Ma insomma, il dì. Avec cette salle commence la part de l'antichambre privée. Après les colloques privés, les délégations officielles sont introduites par les prélats d'antichambre dans la bibliothèque privée et après ça l'échange des cadeaux et une photo d'ensemble. Après, le pape donne un petit cadeau à chaque membre de la délégation. La délégation quitte la bibliothèque. Les dernières à quitter la bibliothèque, c'est le président avec son épouse, s'il y a une épouse. Et l'épouse a une petite salle qui est la salle de l'épouse. Et vous trouvez ici des petits ouvrages qui sont très intéressants. El Greco. Christ de Durer, oui. Oui, et de l'école flamande aussi. Et un petit horloge allemande, je crois, du 18e siècle. Du 18e siècle. Ah, il y a l'horloger qui vient d'arriver. Qui vient d'arriver pour changer l'horaire. Alors, une fois les cadeaux échangés, les hommages rendus et les promesses faites, une fois les présidents et les ministres remontés dans les berlines aux vitres teintées, une fois les portières claquées et les cortèges repartis de la cour Saint-Damas, on peut se demander à quoi tout cela peut bien servir. Et une des raisons qui explique ce détour des politiques par la cour pontificale, c'est peut-être les nonciatures, ce vaste réseau de diplomates parfaitement formés qui centralise ce que peuvent lui raconter les congrégations religieuses et les églises de par le vaste monde. L'autre raison, c'est aussi peut-être cette neutralité légendaire qui permet au Vatican de tenir à merveille le rôle d'intermédiaire entre deux puissances qui boudent. Alors est-ce qu'on peut nous dire, Philippe Chenot, finalement, comment est-ce qu'on pourrait retracer les origines de la diplomatie vaticane de... Est-ce que c'est finalement un héritage de la papauté médiévale, des légats peut-être? Comment est-ce qu'on pourrait... Oui, il faut remonter au premier siècle de l'Église, déjà à partir, je crois, de la fin du 5e siècle. Le pape prend l'habitude d'envoyer des légats auprès des princes, des empereurs de l'époque. Au lendemain du Concile de Trente, donc au XVIe siècle, on assiste à l'apparition du réseau des nonciatures, c'est-à-dire des représentations pontificales auprès des différentes cours européennes. Et à ce moment-là, la mission de ce qu'on appelle le nonce change aussi, il n'est plus seulement un représentant du pape auprès des souverains catholiques, mais il est aussi un agent de la papauté réformatrice, donc chargé aussi un peu de contrôler les églises locales. Mais la diplomatie pontificale telle qu'on la connaît aujourd'hui a connu un nouvel élan au lendemain du congrès de Vienne en 1815. C'est à ce moment-là qu'est créé au sein de la curie romaine ce qu'on appelle la congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires. Si vous voulez, c'est une sorte de ministère des affaires étrangères du Saint-Siège, qui existe toujours mais qui n'a plus ce nom-là. Mais aussi avec l'affirmation très nette d'un principe qui sera plus ou moins respecté tout au long des 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire le principe de l'impartialité ou de la neutralité du Saint-Siège dans les affaires internationales. Ce que je voudrais souligner par rapport à cette diplomatie du Saint-Siège à l'époque contemporaine, c'est qu'elle a toujours fait preuve d'un très grand réalisme. On prête à Pie XI, qui justement avait signé ses accords avec Mussolini et qui signera un autre concordat avec Hitler en 1933, cette phrase, lorsqu'il s'agit du bien des âmes, je suis prêt à traiter avec le diable en personne. Donc, parce que le but que poursuit le Saint-Siège, c'est de garantir, comme je l'ai dit, la liberté de l'Église pour le bien des âmes. Salus animarum suprema lex, comme on dit en latin. Donc, le bien des âmes est la loi suprême de l'action du Saint-Siège. Mais c'est aussi garantir, finalement, la libre pratique de la religion, de protéger, en quelque sorte, les catholiques, quels qu'ils soient. Oui, jusqu'à Vatican II, c'est l'objectif principal de la diplomatie vaticane. Défendre la liberté de culte, bien sûr, mais aussi la liberté d'enseignement, etc. Mais à partir du Concile, effectivement, les objectifs changent un peu et la diplomatie du Saint-Siège se veut plus clairement au service de la promotion de la paix et des droits de l'homme. Donc là, il y a un réel changement. Quelle nouvelle de Berlin, Ricardo? Un officier SS m'a remis cette carte de Pologne. Vous y trouverez les noms et les emplacements des camps de concentration. En rouge, le nombre de personnes qui sont gazées chaque jour. Et en noir, vous avez les prévisions, c'est-à-dire 400 000 en Hongrie, 200 000 en Roumanie, 80 000 en Grèce. Oui, mais que pouvons-nous y faire? Négocier pour les sauver. Négocier avec les nazis? On négociera jamais avec ces criminels. Même pour sauver 1 million de vies? Si le Saint-Père intervenait personnellement auprès des nazis et obtenait pour les juifs qu'ils puissent... Oh, c'est hors de question. Le Saint-Père se doit de rester neutre afin de pouvoir intervenir. Il n'interviendra pas afin de pouvoir rester neutre. Mais s'il pouvait intervenir au nom de Jésus, notre Seigneur, peut-être... Ricardo, s'il intervient, les Allemands envahiront le Vatican et le pilleront. Faut-il sauver le christianisme ou le Vatican? Quand on pense à l'histoire politique et diplomatique des papes, on pense à cette priorité longtemps donnée à la protection des chrétiens. Et on pense aussi à ce qu'est devenu par la suite cette priorité, désormais axée sur la défense de la paix et des droits de l'homme. Et quand on y pense, c'est vrai, on pense souvent à Pie XII, à son attitude pendant la Seconde Guerre mondiale et à son silence, certainement trop prudent face à la politique génocidaire nazie. Et là encore, on bute sur ce silence. sur les liens entre l'Allemagne et le Vatican et sur cette éternelle question de l'antisémitisme historique d'une partie de l'Église. Alors peut-être on peut aborder, Philippe Chenot, la question des relations du Saint-Siège avec l'Allemagne, alors peut-être à travers la Seconde Guerre mondiale. S'agissant surtout de la personnalité de Pie XII, c'est sûr, puisqu'il avait été pendant de longues années, justement, nonce en Allemagne, en Bavière d'abord, à Munich, à la fin de la Grande Guerre. Donc il assistera effectivement à la montée du nazisme dans ces années-là, et devenu rentré à Rome en 1930, nommé cardinal secrétaire d'État, il sera appelé à négocier le concordat, le Reichskonkordat, avec l'Allemagne hitlérienne en 1933. Et il sera lui aussi à l'origine de la fameuse encyclique Mitbrennender Sorge, qui condamne les fondements néo-païens du national-socialisme en 1937. Oui, puis il avait été marqué aussi, donc à l'époque où il était nonce à Munich, par la montée du communisme, par la montée de l'extrême-gauche, qu'il avait beaucoup, beaucoup effrayé. C'est-à-dire, oui, ça c'est un épisode qu'on rappelle souvent, à juste titre d'ailleurs, de la prise d'assaut de l'annonciature de Munich, où il se trouvait en 1919 par les spartakistes, hein, la révolution spartakiste. Et il a été très, très impressionné de ce que pouvait signifier pour l'Église la menace bolchevique. Hein. Et donc, on a pu parler peut-être d'un anticommunisme obsessionnel chez lui, qui est peut-être aussi une autre clé pour comprendre son attitude pendant la guerre. Un jour, nous, les religieuses, nous apprêtions à sortir pour aller voir le nonce. Lorsque nous tombâmes sur deux hommes qui exigèrent brutalement qu'on les laisse entrer à l'intérieur de l'annonciature. Nous refusâmes, mais ils ouvrirent la porte de force, et l'un d'eux, vociférant avec insolence, demanda qu'on leur remît l'automobile du nonce. De toute ma vie, je n'avais vu de revolver. C'est pourquoi je restais très calme. À ce moment-là, la sonnette de l'entrée retentit, et je me précipitai vers la porte pour ouvrir. C'était le nonce. À sa vue, les deux spartakistes furent comme pétrifiés. Son Excellence eut au fait de saisir la situation, leur expliqua d'une voix calme l'extéritorialité de la maison et de sa personne, et exhorta les deux hommes qui restaient plantés devant elle comme abasourdis à quitter les lieux sur le champ. Mais eux, rompant bientôt le charme, se remirent à hurler avec insolence, posèrent leur revolver sur la poitrine du nonce et dirent qu'ils ne repartiraient qu'avec l'auto. Alors, il donna l'ordre d'ouvrir le garage. Cela avait duré à peine une heure, mais ce que cette heure put renfermer d'émotions et de craintes, seuls le savent ceux qui l'ont vécu. Pascalina Lénert. Quand on lit les travaux des historiens, il y a à la fois cette idée que si finalement sa protestation à l'encontre des crimes nazis a été si discrète, entre guillemets, c'était aussi parce qu'il voulait défendre les gens, ne pas les mettre en danger. Puis d'autres qui sous-entendent qu'au contraire, c'était un silence parce que via cet antisémitisme dont on parle toujours par rapport au Vatican, par rapport au Saint-Siège, et que l'intérêt c'était de protéger les catholiques. Oui, ça, je pense que c'est vrai. C'est une des peut-être des limites de Philippe Chenot, de son pontificat, c'est qu'il s'est voulu d'abord le chef de l'Église catholique et comme tel responsable avant tout des catholiques et notamment des catholiques allemands. Donc, il a sans doute craint qu'une protestation trop forte contre les crimes nazis n'entraîne des représailles contre les catholiques allemands. En 1935, il aurait dit, écrivant à un ami allemand, que c'était pas au Vatican de décréter le martyr des catholiques allemands. Il y a deux discours où il y a une allusion plus ou moins assez claire à la politique d'extermination nazie à l'égard des juifs, même si les juifs comme tels ne sont jamais mentionnés explicitement dans les discours du pape. Mais il est vrai aussi que beaucoup de juifs, notamment ici à Rome, durant les mois de l'occupation nazie, ont pu être sauvés grâce à l'action du Vatican et de l'Église en général, dans la mesure où ils ont trouvé asile, refuge dans les couvents, les maisons religieuses. Même si effectivement les historiens n'ont jamais trouvé un ordre écrit de Pie XII allant dans ce sens. Mais je pense qu'en réalité, il n'était pas imaginable que tout ce qui a été fait pour les Juifs, notamment ici à Rome, l'ait été sans l'accord au moins tacite du Vatican de Pie XII. Mais alors à ce moment-là, on pourrait dire aussi que toutes les initiatives et démarches pour finalement faire fuir des criminels nazis n'a pas pu se faire non plus sans l'accord tacite de Pie XII. Ben, d'une certaine façon, oui, encore que c'est une histoire qui mérite d'être éclairée plus dans le détail à partir des archives qui ne sont pas encore ouvertes, puisque là on entre dans la période de l'immédiate après-guerre. Le vicaire, c'est le titre de la pièce, le vicaire tient l'affiche au théâtre de l'Athénée. C'était en tout cas hier soir la première. 1963. La pièce est une sorte de réquisitoire contre ceux qui ont eu une responsabilité pendant la guerre, dans les déportations par exemple. Le pape est mis en cause. Aussi la pièce de Rolf Horhul a-t-elle été déjà accueillie avec beaucoup de remous et l'a fait scandale. La soirée de l'Athénée a été mouvementée, les répliques des comédiens étant souvent interrompues. Quelles sont les fautes de l'Église? Mais on ne peut pas en rendre Dieu responsable. Dieu flotte au-dessus de l'histoire. Il participe au sort des êtres mortels. La controverse autour des ce qu'on appelle les silences de Pie XII démarre en 1963-64 avec la publication de la pièce de Horhout, le vicaire. Jusqu'à cette date, l'image de Pie XII était très, très positive. Et comme vous venez de le rappeler, à sa mort, le premier ministre israélien, Golda Meir, avait envoyé un télégramme en le remerciant pour tout ce qu'il avait fait pour les Juifs pendant la guerre. Et il convient toutefois de noter que certaines voix plus critiques s'étaient fait entendre dès la fin de la guerre, notamment d'ailleurs dans le monde catholique. Si on pense à Jacques Maritain, au Paul Claudel, ou François Mauriac aussi, qui avait exprimé un peu une forme de déception par rapport à certaines trop grandes réserves du pape sur ces questions. Mais il est vrai que la controverse publique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec les dimensions qu'elle a prises, remonte au début des années 60, dans un contexte aussi où le monde juif lui-même prenait conscience de l'importance, de l'énormité, mais aussi de l'unicité de la Shoah. C'est le procès à Eichmann, à Jérusalem, etc. Mais aussi où l'Église commençait à se remettre en question avec le Concile Vatican II. La personne qui domine ce mois est la personne du pape. 1965. Oui. C'est le 4 octobre que nous avons été quasiment tous devant la télévision à regarder une petite silhouette blanche qui se disait le plus humble des hommes, mais qui était venu dans un grand apparat. L'âne du Christ et de Jérusalem était remplacé par l'avion. La fleur des saves de la Palestine était remplacée par l'orchidée. Il y avait des orchidées ? Il y avait des orchidées. Et l'avion était divisé en trois compartiments. L'appartement du pape, l'appartement des cinq cardinaux représentant les cinq continents et l'appartement des journalistes, monsieur Dumanier. La partie qui se jouait était une partie difficile. Parce que c'était la première puissance spirituelle du monde qui venait affronter la puissance temporelle la plus grande et la plus riche. Le Concile Vatican II marque un tournant important, y compris pour ce qui touche à l'action internationale de la papauté. Le moment emblématique, si vous voulez, de tout cela, c'est le discours de Paul VI aux Nations Unies en octobre 1965, donc à l'ouverture de la dernière session du Concile Vatican II. Il se rend à New York pour le 20e anniversaire de la création des Nations Unies et il fait un grand discours, au fond, où il dit que l'Église n'est plus là pour demander des privilèges, des droits, un droit particulier, etc. Elle est là pour offrir ses services, quelque part, parce qu'elle se veut dépositaire d'un message de paix, de fraternité, de solidarité. L'Église se veut, comme une belle formule, experte en humanité, dira Paul VI dans ce fameux discours aux Nations Unies. Et c'est au fond un moment qui marque le grand retour de la papauté sur la scène internationale. S'agissant du Concile, il y a évidemment la constitution Gaudium et Spes qui condamne très fortement, très nettement la guerre à l'époque moderne, donc la guerre nucléaire. Il ne faut pas oublier non plus le rôle qu'a joué Jean XXIII au moment de la crise des missiles de Cuba en octobre 1962 pour conduire un règlement pacifique de la crise. Mais il y a un autre texte, c'est la déclaration sur la liberté religieuse, Parce qu'elle reconnaît, l'Église reconnaît pour la première fois un droit à la liberté religieuse. Quelle que soit la religion. Donc, un droit de changer de religion, même de se convertir à une autre religion. Hein. Un droit fondé sur la dignité de la personne humaine. Et d'ailleurs, le texte a pour titre « Dignitatis humanae », la dignité de la personne humaine. Et ce qui a permis, au fond, la participation du Saint-Siège à la conférence d'Helsinki. Elle a donné une légitimation à tous ces mouvements de dissidence à l'Est. Hein. La charte 77 en Tchécoslovaquie, avec Savavel, etc., sont nés au lendemain de la signature de l'acte final qui reconnaît les principes fondamentaux, les droits de l'homme, la liberté religieuse, etc. Et le Saint-Siège a été partie prenante de ces accords. Elle les a signés en tant qu'État, en tant que Saint-Siège. Le Vatican, c'est une diplomatie très concrète avec des hommes. Je n'ai évidemment rien contre l'idée que le Saint-Esprit puisse inspirer les uns et les autres. Mais enfin, honnêtement, la diplomatie, c'est quand même d'abord des diplomates. C'est des nonces apostoliques, c'est des cadres. Ce sont des gens d'ailleurs très très bien formés en général. Et cette diplomatie, elle existe. Hein. On se rappelle Jean-Paul II qui était pourtant très très actif. Jean-Paul II a complètement échoué dans sa tentative d'empêcher la guerre du Golfe, par exemple. C'est clair. Et ça, on connaît les détails, on sait qui l'a vu, comment, etc. Donc là, ça a été un flop complet. Mais rappelez-vous, le même Jean-Paul II qui a évité, dès son arrivée à Rome, une guerre entre le Chili et l'Argentine. Et là, en effet, la diplomatie vaticane a évité une guerre. Donc il faut être prudent. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Le pouvoir du pape, c'est la parole, c'est les mots. Qui peuvent avoir une importance colossale pour le reste du monde, y compris le reste du monde non catholique. Je pense à « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur, ce petit mot tout simple. Vous dites « oui, bah d'accord, ok ». Et vous vous rendez compte qu'en 1978, quand Jean-Paul II prononce ce mot, il touche les catholiques, qui sortent d'une période extrêmement complexe, à la fois les débats d'après le Concile, mai 68, etc. Et il dit donc aux catholiques, n'ayez pas peur, les catholiques comprennent qu'effectivement, bon, ben voilà, le monde est ce qu'il est, la religion prend un virage un peu étrange, mais il faut pas avoir peur pour autant. Et le plus important, n'ayez pas peur dans la bouche du pape polonais, cela touche des centaines de millions de gens en Europe de l'Est, eux qui vivent dans un groupe de pays qui repose sur la terreur, sur une forme de terreur politique. Donc voilà, en trois mots, il est là le pouvoir du pape. Il est d'abord dans les mots. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Non abbiate paura. Aprite. Anzi, spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Quand j'ai reçu le jeune pape Jean-Paul II à l'Institut catholique de Paris, dont j'étais recteur le 1er juin 1980, je l'ai remis dans sa voiture et j'ai mis ouf, tout s'est très bien passé. Ce qui était vrai, puis j'ai ajouté, maintenant je suis bien tranquille, ce qui s'est révélé faux. Donc il m'a fait revenir à Rome à l'époque pour succéder au cardinal Franz König. Donc le secrétariat pour les non-croyants, le dialogue avec les marxistes-léninistes ensuite. Et son idée derrière la tête, c'était la culture. Et justement... Mon privilège a été, à la demande du pape, de parcourir le vaste monde pour la rencontre des cultures. J'ai même fait donc tous ces symposiums à Klingenthal, à Ljubljana, Budapest, Bucarest, Moscou, jusqu'au Kremlin inclus, jusqu'à l'implosion de l'Empire soviétique. Et c'était le dialogue chrétien-marxiste. Donc toutes ces rencontres se sont faites avec les non-croyants qui, à l'époque, étaient au pouvoir et qui étaient marxistes, léninistes, communistes et persécuteurs donc de l'Église, puisque la religion était censée être l'opium du peuple. Donc c'est à partir de ce moment-là que, donc moi aussi, si vous voulez, j'ai fait percevoir au pape, ce qui était facile, c'était sa conviction, que tout se jouait désormais sur le terrain de la culture. Et vous pensez que ce conseil pontifical pour le dialogue avec les non-croyants a été créé aussi justement dans l'idée de dialoguer avec ces pays de l'Est qui étaient inaccessibles à l'Église? Alors, comme je vous dis, à l'époque, donc, il n'y avait pas de choix, enfin, si je puis dire. Hein. Le pape Jean XXIII, à l'époque, il avait reçu la fille de Khrouchtchev. Puis 3 jours après, il y a eu les élections en Italie où la démocratie chrétienne avait perdu 1 million de voix. Alors, naturellement, les politiques l'ont accusé, ont dit c'est la faute du pape. Et qu'est-ce qu'il a dit, le pape Jean XXIII, qui avait le sens du geste? Il a dit, mais moi, si j'ai des enfants qui sont en prison, qu'est-ce que je peux faire, sinon parler avec le geôlier pour les aider un peu à respirer? Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, Jean-Paul II partageait, si je puis dire, pour faire bref, les convictions du pape Jean XXIII, c'est que les systèmes sont ce qu'ils sont. Donc, on ne dialogue pas avec le marxisme, donc à l'époque, qui considère l'Église comme l'ennemi. Mais nous devons parler avec les hommes qui ne sont jamais totalement emprisonnés dans les systèmes dont ils sont l'émanation. Voilà. Donc, je crois que ces rencontres ont accompagné et aidé un peu ce processus qui fait que nous avons assisté à cette chose incroyable, que cet immense empire, avec l'armée rouge, que tout le monde croyait donc millénaire, ça a été une implosion, il n'y a même pas eu la mort d'un seul homme. Bah, ça s'est vidé de l'intérieur. Mais cela dit, l'action de Jean-Paul II par rapport au communisme et sa politique s'inscrit dans une forme de continuité avec ce qu'on a appelé aussi l'ostpolitik vaticane, qui se mettait en route alors déjà au moment du concile. L'idée qu'il faut en finir avec un anticommunisme un peu primaire, un peu obsessionnel, qui avait été celui de Pie XII, et nouer une nouvelle forme de relation avec ces États, avec l'Union soviétique, mais aussi avec les États satellites, dans le but précisément de garantir un minimum de liberté à l'Église dans ces pays, de garantir une forme de survie. Et c'est toute l'origine de Solidar Noche, etc., du mouvement polonais qui a été soutenu par le Vatican et qui, à la fin, a conduit à la chute du mur de Berlin en 1989. On assiste au grand retour de la diplomatie vaticane avec le pape actuel qui s'est manifesté en différentes occasions. L'année dernière, il a convoqué ici à Rome pour une rencontre de prière le président israélien Shimon Peres et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il y avait eu précédemment le jeûne pour la Syrie, et puis sans compter aussi ce qui paraît quand même une forme de succès, le rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Elle est aussi bien que le président Obama, que le gouvernement cubain ont remercié le Saint-Siège, et le pape François en particulier, pour le rôle qu'il avait joué à cette occasion-là. Donc oui, il y a un regain d'activisme de la diplomatie vaticane et aussi peut-être une réhabilitation du rôle des nonces et de l'appareil diplomatique du Saint-Siège. Alléluia, merci à Philippe Chenot, Lorenzo Gamarelli, Antoine-Marie Zohar, Bruno Joubert, Bernard Lecomte, Ruben Dario Ruiz Menardi, le père Laurent Mazas, sœur Anaïque Mérel, Max Wenberg, Marco Politi, le cardinal Paul Poupard, Jean-Luc Poutier, Monseigneur Stefano Sanchirico, le cardinal Jean-Louis Torrent, Olivier Tosserie et Gianmarie Aviane. Extrait de Habemus Papam de Nanni Moretti, Pastor Angelicus, Le Parrain de Francis Ford Coppola, Ainsi soit-il de Vincent Poimiro et David Elkaïm, Amen de Costa Gavras et Roma de Federico Fellini. Lecture Nathalie Canui, Archivina Anaï Morales, Stagiaire Marie Daroussin, Traduction Sophie Benezek, Coordination et site Marivonne Bolivier, Aurélie Marsay, Prise de son Christophe Goudin, Jean-Guilain Meige et Jacques Hubert. Mixage Valérie Lavalard. Dans l'ombre du Vatican, une émission de Perrine Kervran réalisée par Véronique Samuilov.